êtes assez fou pour l'écouter. On reçoit Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori. Et les plus récentes actualités geeks dans CNX, on aurait aussi pu dire le survol de l'activité du campus. L'activité, il y en a une. Il y en a peut-être deux au pire, mettons. Peut-être, on va savoir ça plus tard. Bonjour, bienvenue à Assemblage Hockey, votre émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de CFO à Trois-Rivières, bien évidemment, ce mardi 25 octobre. Et moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. Oui, François-Olivier. Aujourd'hui, on a seulement Stéphanie Gagné comme chroniqueuse. Oui, exactement. On sait que c'est la relâche qui sévit sur le campus. Hein? Mais je dirais que c'est pas mal la seule journée qui est affectée, malheureusement. Non, attends un peu. Heureusement. C'est ça. J'ai un petit peu mêlé. Par la relâche, la plupart de nos chroniqueurs viennent quand même. C'est sympathique, hein? Oui, exactement. C'est quand même bien. Nous aimons, on est attachants, je pense. Ah, c'est ça l'affaire. C'est pour ça qu'ils continuent de revenir. Ils nous supplient presque. S'il vous plaît. Laissez-moi revenir. Je sais que j'étais pas bon aujourd'hui, mais je vais revenir. Non, donc Stéphanie Gagné à 8h, c'est son plat favori en direct de Gatineau. Oui, exactement. Et on va parler aussi de l'autre gala de la disque. Oui, avec Mathieu. Elle, c'est vrai. Ah ouais, c'est elle qui en parle? Oui, elle en parle. Ah, je vais en parler. Oh, ben, on en parlera tous ensemble alors, parce qu'elle va nous faire jouer là, une petite pièce ou deux, là. Des gagnants de l'autre gala de la disque. Pourquoi pas? Des bonnes affaires là-dedans. Oui, exactement. Des affaires qui touchent un peu plus, c'est fou. Oui, c'est ça, parce que la disque en tant que telle, hein, pas pour nous autres bébés. Pas tant que ça, non. Pas tellement. Sinon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui aussi? Les actualités, les activités du campus. Il se passe pas grand-chose cette semaine, mais quand même, on va voir s'il y en a une ou deux. On va voir les chroniques, les nouvelles geeks CNX, avec entre autres là-dedans. L'idée, encore, il y aura toujours des nouvelles sur Steve Jobs à tous les jours. Hein. J'essaie de dire seulement celles qui sont vraiment importantes. On parle, entre autres, de la technologie télévisée d'Apple. Okay. Une télé Apple, ce serait apparemment dans les dernières choses que Steve Jobs aurait aimé voir et que ça pourrait se réaliser cette année, l'année prochaine. Bon, on verra. Ça a l'air intéressant ou? Ouais, pas tant que ça. Ça n'a jamais vraiment marché, ces affaires-là, en fait. Ouais. Peut-être qu'avec Apple, hein, des fois, Apple change les choses. Aussi, une chronique, c'est un fait. On l'a pas fait hier, donc on va se reprendre avec plein de bonnes affaires bien intéressantes, dont un fait sur... je sais même pas si tu savais qu'il y avait un chien dans le logo de HMV à l'origine. Non. Bon, on en reparlera tantôt. Oh, le petit chien. Oui. Mais on commence l'émission avec Child Van Galen et Peace on the Rise. Sur CFU 89 FM, c'est la radio en plus de Trois-Rivières. Bon matin. Bon matin. It's Peace on the Rise de Chad Van Galen sur l'album Diaper Island. Lilo Couche. Comment, les couches? Lilo Couche. Lilo Couche. Diaper Island. Oh. C'est le même, là. C'est pas ma faute, j'invente rien. C'est pas toi qui as inventé ça. Non, c'est pas une blague. Si ça avait été une blague, ça aurait été même drôle que ça. C'est encore drôle. C'est pas sûr. Avant de continuer notre beau programme avec un paquet de contenus les plus divertissants, on continue avec, déjà, c'est très divertissant aussi, mais c'est spécial. Tu sais, t'as comme des choses divertissantes, il y en a comme plein dans l'émission. Mm-hmm. Des choses divertissantes, spéciales, qui arrivent pas souvent. Ça, c'est plus rare. C'est plus rare. Comme notre série sur le diable dans tous ses états avec Régis Solery. Voici la chronique numéro 3, Genèse de la possession diabolique. Et voici maintenant la série Le diable dans tous ses états, présentée par M. Régis Solery. Genèse de la possession diabolique. Le concept de possession diabolique n'est pas l'apanage du christianisme. Toutes les religions, y compris celles dont les racines remontent en amont de l'ère chrétienne, font mention de comportements étranges, traduisant l'emprise progressive du corps et de l'esprit d'un individu par une entité maléfique, que l'Occident a nommé diable ou démon. La question de savoir si ceci existe réellement ou non restera à tout jamais en suspens, car la collectivité humaine n'assoit dorénavant ses certitudes que sur des démonstrations scientifiques. Or, la science n'a de légitimité que dans l'analyse de phénomènes naturels et reproductibles. Malheureusement, le phénomène de possession diabolique relève, jusqu'à preuve du contraire, du surnaturel et de l'aléatoire. L'installation d'une possession diabolique se fait progressivement en 4 phases successives. La première phase prend la forme de la tentation inspirée par le diable lui-même, dont Bossuet disait qu'il nous pousse et nous précipite du côté qu'il nous voit pencher. Le diable ne s'en prend pour l'instant ni au corps ni à l'esprit, mais uniquement à l'amour-propre ou aux faiblesses d'un individu réceptif. La deuxième phase consiste en des obsessions externes, c'est-à-dire des prises de contrôle soudaines, temporaires et habituellement violentes sur le corps du possédé ou sur son entourage matériel. Nicolas de Tolentino et la bienheureuse Véronique de Binasco étaient roués de coups. Le frère Germain était transporté dans les airs. Françoise Romaine recevait des coups de fouet et se trouvait précipitée dans les latrines. Dans tous les cas, les obsessions externes s'accompagnent de déplacements spontanés d'objets, ce que les parapsychologues appellent télékinésie, d'insomnie, de visions cauchemardesques, de sensations de frôlement classiquement glacées, de perceptions de cris épouvantables ou de bruits sourds frappés dans les murs ou le plafond. La conscience reste toutefois intacte, d'où la peur, ainsi que la perception du système de la réalité. Que m'arrive-t-il ? La phase des obsessions externes se manifeste sur un mode sensiblement névrotique. La troisième phase, les obsessions internes, s'attaque dorénavant à l'esprit du sujet. Le possédé présente des pulsions morbides ou suicidaires. Il pose des gestes en totale contradiction avec sa personnalité, tout particulièrement dans le registre sexuel. Vulgarité extrême, changements soudains et éphémères de physionomie, ce que l'on nomme prosopopèse, blessures volontaires, harcèlement psychologique de l'entourage. Sa conscience se trouble et il existe une certaine perte du système de la réalité. Ainsi, la phase des obsessions internes se manifeste-t-elle sur un mode davantage psychotique. La phase ultime, possession vraie, traduit l'intégration totale, bien que parfois discontinue dans le temps, du concept de démon dans le corps et l'esprit du sujet. L'individu s'automutile et le diable s'exprime dorénavant directement par la bouche du possédé. Le temps est alors venu, si les médecins eux-mêmes y perdent leur latin, d'en référer à l'exorciste. Venez d'entendre une capsule de la série « Le diable dans tous ses états » présenté par M. Régis Olry. C'était la capsule numéro 3 de cette série. On continuera tantôt avec la capsule 4, le rituel romain face à la possession diabolique. Notre série spéciale sur l'Halloween. C'est plaisant. Oui, très plaisant. C'est très le fun pour vrai comme chronique. Ouais. Série en 14 épisodes, donc on va en écouter pas mal d'ici à lundi. Ils sont disponibles sur le site de C'est Fou. Tout à fait, dans la section balado-diffusion sous les chroniques de Régis Olry. Maintenant, ben, pour continuer dans le même genre de... comment dire... D'humeur ou d'horreur? D'horreur. Donc, voici Dead Man's Bones et In the Room Where You Sleep. Sur C'est Fou, 89 ans. Est-ce que tu as commencé à magasiner ton costume, Mathieu Plante? Non. Non. Je pense que ça va mourir. C'est à la mode au bout, là. Voyons, c'est ça qui s'en vient, c'est la prochaine affaire. Ouais. Thank you. on your bed. I saw something touching your head. Will you sleep? Toute leurs chansons finissent de même. Hein. Ouais, c'est une drôle de fin. Sur une minute inconfortable. En même temps. Petite ambiance. Lugubre. Lugubre. Mmh. On va tous vous tuer. Hey! C'est pas ce genre de lugubre-là, François. Et que t'es déplaisant. Et déplaisant. Merci. Déplacé. Déplacé. Merci. Moi, je me déplace. T'as de la misère à te déplacer, toi. Comment? Comment? Là, tu vas loin. Là. Non, non, mais j'avoue qu'avec une chaise que, comme t'as là, avec des roulettes, ça va mieux. Tu es en train de me traiter handicapé, là? Ben non. Et quand même. C'est la chronique Phoenix. Hein? On commence aujourd'hui la chronique Phoenix avec la télévision qui serait la dernière révolution de Steve Jobs. What? Le regretté patron d'Apple avait l'ambition de s'attaquer au marché des téléviseurs. Des premiers modèles pourraient d'ailleurs sortir en 2012. La biographie de Steve Jobs qui s'en vient dans les prochains mois, en fait, c'est les prochaines semaines, fourmillera d'anecdotes, mais aussi de révélations sur Apple. Un nouvel exemple avec le désir de feu, le patron de la marque à la pomme, de s'attaquer au marché des téléviseurs. On parle pas de l'Apple TV, là, qui est le petit boîtier qu'on peut brancher à un téléviseur, mais bel et bien d'un téléviseur, d'une télé, là, pour jouer dans la cour des principaux fabricants comme Samsung, Philips ou Sony. OK. Bonne idée, tu trouves? Ou? Ben, je pense pas, en fait, parce que c'est la semaine dernière que tu me parlais d'une télévision, 5 fois plus puissante au niveau des graphiques. Ouais, la ultra haute définition. Ouais, c'est ça, je pense pas que ça a coté. Non, sûrement pas, mais ça, je pense, je sais pas si dans le futur, si rapproché que ça, ces télés-là. Non, ultra mais tu sais, ça existe déjà. C'est ça, super cher, mais. Ouais, c'est ça. Selon l'auteur de cette biographie, voici ce que lui a confié Jobs, et je cite, « J'aimerais créer un téléviseur intégré ultra simple à utiliser. Il serait totalement synchronisable avec l'ensemble de vos périphériques et avec le iCloud, le système qui va pousser vos fichiers, calendriers, contacts et tout sur toutes vos machines Apple. Il aura l'interface utilisateur la plus simple que vous puissiez imaginer, et j'y suis parvenu. » C'est ce qu'on peut lire dans un extrait publié par le Washington Post. Ce projet pourrait prendre forme en 2012 avec plusieurs modèles d'écran connectés. Outre la simplicité, Apple misera une fois de plus sur le design, évidemment, pour avoir un look Apple. Je cite encore, avec les téléviseurs, Jobs voulait réussir ce qu'il avait fait pour les ordinateurs, les baladeurs et les téléphones, les rendre simples et élégants. Parce que tu vois, c'est ça, tu sais, Steve Jobs, on a beau dire ce qu'on veut contre lui ou n'importe quoi pour lui. Il a quand même changé les choses, dans le sens que quand il a amené l'iPod, ça a créé quelque chose, un engouement, ça a changé la façon d'acheter de la musique. Ça, faut pas lui enlever. Là. Non, l'iPhone, même chose, ça a changé la façon que les téléphones avaient l'air à sa sortie. T'sais. En tout cas, donc, il pourrait faire la même chose avec les télés, même si les télés Internet là, que Microsoft et toutes les autres compagnies avaient sorti, la façon, c'était peut-être pas des télés, peut-être plus des machines, mais en tout cas, c'est le même principe. Genre, peut-être des télés avec Internet dessus, les widgets et tout ça, ça n'a jamais fonctionné. Depuis des années qu'ils essayent ça, d'avoir des widgets de chat et de Twitter sur la TV, ça marche pas, là. Les gens en veulent pas. Tu t'assois devant ta TV, c'est pour t'éteindre le cerveau puis regarder la TV. En tout cas, donc on sait pas, peut-être qu'ils vont faire une télé des plus normales avec rien de d'autre que juste une télé. Dans ce cas-là, ça fonctionnera peut-être. On va voir. On verra. Sinon, toujours au sujet d'Apple, ils vont diffuser la cérémonie en hommage à Steve Jobs. La cérémonie tenue au siège social d'Apple mercredi dernier pour rendre hommage à Steve Jobs est maintenant disponible pour visionnement sur le web. Pendant environ 90 minutes, défile sur scène Tim Cook, le nouveau PDG d'Apple, Jonathan Ive, le vice-président du design de l'entreprise, Al Gore, l'ancien vice-président américain et membre du conseil d'administration d'Apple, le groupe Coldplay et la chanteuse Norah Jones. La femme de Steve Jobs, Lorraine Powell, était également présente à la cérémonie. L'entreprise californienne diffuse la vidéo d'une manière que son fondateur n'aurait certainement pas renié, en excluant tous ceux qui se présentent sur la page web avec un furteur autre que Safari, le furteur d'Apple. Donc, si tu te rends sur le site et que tu as Firefox, t'oublies ça. Ça fonctionne pas. C'est drôle, ça. Spécial un peu. Les utilisateurs de Windows peuvent toutefois accéder à la vidéo en utilisant le lecteur QuickTime 7, qui est évidemment un lecteur de Apple. Changeons de sujet maintenant pour Gartner, qui identifie les tendances technologiques de 2012, François. Qui est Gartner? Gartner, une firme d'analystes. Donc, tablettes, applications mobiles et expériences sociales devraient dominer le paysage stratégique technologique en 2012, si on en croit le bureau d'études de marché Gartner. Voilà. L'ajout de capteurs et de modules intelligents à toutes sortes d'appareils d'usage fréquent, la prolifération des boutiques d'applications, la conception de nouveaux outils d'analyse de données, l'exploitation commerciale des bases de données en mémoire, les serveurs ultra basse consommation et l'informatique en nuage sont également les tendances qui devraient atteindre le grand public en 2012 et au-delà. Ces 10 tendances ne sont pas inconnues des consommateurs à l'avant-garde de la technologie, mais Gartner prédit qu'elles se renforceront au cours des années à venir. Je cite, l'interface paradigmatique en vigueur depuis plus de 20 ans est en train de changer. Bon, donc l'interface là est en train de changer. Les interfaces à base de fenêtres, de menus et de pointeurs seront remplacées par des modèles inspirés des smartphones et des tablettes, mettant l'accent sur le toucher, le geste, la voix et la vidéo. Bon, ça, je pense que c'est évident parce que toutes les compagnies le font. C'est comme logique que ce serait la grosse chose, là. L'informatique se fera de plus en plus contextuelle, ce qui pourrait nous profiter, et je cite, « Un système doté d'une intelligence contextuelle est capable d'anticiper les besoins de l'utilisateur et de lui fournir dynamiquement des informations, produits ou services appropriés et personnalisés. » L'interface des objets changera la façon dont on utilise les objets de la vie quotidienne en les reliant à la toile et en leur intégrant des capteurs, des modules de communication en champ proche. Là, tu sais, quand tu approches l'appareil, c'est bon. L'intelligence artificielle et des systèmes de reconnaissance d'images. De son côté, le cabinet d'études de marché Forrester commence par indiquer que dans 10 ans, plus de 50% de la population active sera composée d'enfants du millénaire. C'est des enfants nés après le 2000, hein? Qui auront grandi... Tout le temps des mots pour tout définir. Qui auront grandi avec les pouces vissés à leur mobile. Avant d'identifier les tendances high-tech qui domineront les 3 prochaines années. Selon Forrester, donc, ce sont les plateformes applicatives élastiques, la visualisation, la technologie sociale, les systèmes toujours actifs, toujours disponibles et l'Internet des applications... Je comprends rien. Dispositifs qui croisent services en nuage, appareils intelligents et applications contextuelles pour offrir des expériences sur mesure. On s'entend qu'il y a des mots là-dedans qui sont pas tellement définis, mais ouais, ça sent bien. Le futur, toi. Le futur. Tout falloir toucher tout. Oh, c'est pas drôle. Hein? Moi, j'aime mieux toucher les boutons. C'est le même. Ouais. C'est le même. C'est comme, gars, moi, je joue un jeu vidéo avec une manette dans les mains. Je tente pas de jouer avec mes mains. Dans les airs, ça. J'aime mieux avoir un objet. Ça dépend à quoi. Ça dépend à quoi. Ça dépend à quoi. Ça dépend à quoi. Ça dépend. Ça dépend. Puis tu sais, c'est ça, faut pas être fermé non plus aux nouvelles technologies. Tu sais, peut-être qu'il y a quelques temps, les MP3, c'était comme, ah, ça sert à rien, tu sais. Puis là, ben, soudainement, j'ai plus vraiment de CD, t'sais. Donc ça peut changer avec le temps, nos opinions des choses. Ouais, peut-être. Mais tu sais, vois-tu, les MP3, je pense que ça a tout de suite cliqué dans le sens où t'avais pas besoin d'avoir un CD. Ouais. Je sais pas. C'est différent. Dur à dire. Hein? Ouais. Mais en tout cas, moi, personnellement, le toucher, j'aime bien, mais il faut que ce soit bien fait. Pis ouais, c'est ça. Il faut que ça soit bien fait. C'est pas toutes les machines de toutes les compagnies qui sont bien faites. Non. Bon. Bref, parlons de Barack Obama. Barack, qui, après Facebook et Twitter, il se lance sur Tumblr. Et comme c'est quoi, Twitter... C'est exactement ça. C'est quoi ça? Parce qu'il y a quelques années, tu sais, Twitter, tu me demandais, c'est quoi ça? Puis là, ben, soudainement, les vedettes, le Jet Set a commencé à utiliser Twitter. Avant ça, tu sais, d'autres sites, MySpace, n'importe quoi, dans le passé, au début, tu savais pas c'était quoi, des vedettes ont commencé à l'utiliser, ça a fonctionné. Donc là, Tumblr existe depuis super longtemps, extrêmement longtemps, mais personne ne connaît ça. Là, Barack Obama arrive dessus, soudainement, tout le monde va être sur Tumblr. Peut-être. On va voir. Donc, après avoir investi Facebook et Twitter, l'équipe de campagne du président américain Barack Obama se lance sur le très populaire site de mini-blog, populaire ailleurs qu'au Canada, peut-être aux États-Unis plus, élargissant ainsi son arsenal de réseaux sociaux dans la perspective de l'élection présidentielle de 2012. L'équipe appelle les supporters du président américain à envoyer des contributions photos, blagues, etc. via la page dédiée sur Tumblr. Donc, Tumblr, qu'est-ce que c'est? C'est un blog avec... Ça ressemble vraiment à un blog des plus communs, là, excepté que tu peux plus facilement poster des choses rapides avec des thèmes différents. Par exemple, si tu choisis de poster de l'audio, ça va être un beau petit lecteur super sympathique. Si tu postes une vidéo, ça va avoir l'air de quelque chose d'autre. Une citation, okay, ça va être avec des gros guillemets. Okay. Et là, t'as pas de limite de caractère. Non, c'est ça. Et là, par contre, c'est un blog personnel. Donc, tu peux changer ton fond, tu peux changer tes photos. Okay, tu peux l'arranger à ton goût. C'est ça. Et tu peux aussi suivre d'autres gens un peu à la Twitter. Donc, tu vas suivre des Tumblr et les autres vont suivre, vont se connecter à toi. T'sais. Donc, c'est quand même bien fait. Son adresse va être barackobama.tumblr.com, T-U-M-B-L-R.com. Il faut juste enlever le E, dans le fond, le Tumblr. Là. Créé il y a 4 ans à New York. 4 ans, je pensais que c'était plus vieux que ça, mais quand même 4 ans, c'est pas si pire. Tumblr permet aux internautes de partager de courts billets, photos, vidéos. L'accent mis sur l'image le rend particulièrement populaire dans les milieux de la mode. Le site est gratuit et fonctionne un petit peu comme Twitter, comme on disait. Qu'est-ce que ça dit d'autre d'intéressant maintenant? Plateforme basée à New York qui est valorisée à 800 millions de dollars selon le Wall Street Journal. Ils emploient une cinquantaine de personnes. Et voilà. Bon, c'est dit. Peut-être que ça va devenir super populaire. Tout le monde va dire « Hey, t'as-tu un Tumblr? » Puis là, c'est un peu comme Twitter. Là. T'as-tu un Twitter? Non, j'en ai pas. Là, tu en crées un. Là, tu y vas tout le temps. Puis là, tu perds vraiment beaucoup tout ton temps. Anonymous, est-ce que tu te rappelles Anonymous? Pas le groupe de musique. Non, pas le groupe de musique, non. En effet. L'initiative qu'on pourrait voir plus souvent de la part d'Anonymous, ce serait peut-être une bonne idée. Les membres du groupe de pirates ont lancé l'opération Darknet afin de détruire la pédopornographie sur Internet. Beaucoup plus sophistiqué que d'habitude, l'attaque a permis de mettre hors service les serveurs de Freedom Hosting après son refus de supprimer plusieurs sites comme Hard Candy ou Lolita City, qui contiennent plusieurs centaines de gigaoctets de contenu de pornographie infantile. Selon Anonymous, ce sont plus de 40 sites qui ont été rayés de la carte du web. Bonne idée, non? Mm-hmm. Les pirates qui enlèvent les sites porno. Pour le groupe de pirates, Freedom Hosting est devenu l'ennemi public numéro 1 qu'il fallait neutraliser. De par le nombre de contenus pédopornographiques, le site serait l'hôte le plus important sur le réseau d'anonymisation des Onion Router, le réseau Tor. Ce réseau décentralisé de routeurs transmet de manière anonyme des paquets. Là, ça commence à être technique un petit peu, mais selon le principe d'un routage en oignon, donc il est connu pour son rôle dans la liberté d'expression pour les cyberdissidents, c'est que si tu as des trucs croches, tu passes par ce truc-là et ça va comme cacher tes activités un peu. Anonymous vient de prouver que la technologie de Tor n'est pas infaillible. Le groupe a pu extraire des détails de comptes utilisateurs de Lolita City, soit près de 1600 utilisateurs, et grâce à divers croisements, les noms et les prénoms ont pu être déterminés. D'ailleurs, un Anonymous invite le FBI et Interpol à prendre connaissance des listes divulguées afin de mener des investigations. Freedom Hosting ne serait que la première cible d'une initiative visant à faire la chasse aux sites pédopornographiques, même cachés dans le Darknet. Voilà. C'est quelque chose. Darknet. Darknet. C'est quoi? La face cachée d'Internet, mais en même temps, c'est comme pas caché parce que... Ben, c'est le nom de l'opération qu'ils ont lancée pour aller défaire ces sites-là. Donc, c'est comme le dessous de l'Internet, là où c'est sombre, caché en dessous d'une paroi où il y aurait des bibittes. Ah. Genre. Voilà. Sinon, parlons un petit peu de YouTube. pourquoi pas le compte YouTube de Microsoft qui a été piraté. Donc, Microsoft a été victime d'un piratage de son compte. C'est la première fois que la firme succombe à ce type d'attaque. Lorsque l'attaque a été découverte, toutes les vidéos du compte officiel de Microsoft avaient été supprimées. À la place, ça avait été... Wow, quand même. Quand même. À la place, avait été téléversées quatre autres vidéos qui affichaient simplement du texte, notamment « We are sponsoring », nous commanditon, et « Make us a background for a subbox ». Faites de nous un arrière-plan pour votre boîte d'inscription sur YouTube. Je comprends pas trop pourquoi tu mets ça, mais bon. Une cinquième vidéo a aussi été ajoutée, mais retirée très rapidement. On voyait le message « Gary's Mod Escape the Box », ainsi qu'un homme armé, animé et tirant à l'intérieur d'un bâtiment. Hein? C'est vraiment un bon choix pour faire de la pub. C'est parfait. PC Magazine indique qu'un étrange message est apparu brièvement en tant que descriptif du canal et qu'on peut le traduire ainsi. Je n'ai rien fait de mal, je me suis simplement connecté avec le compte que j'ai créé en 2006. Quoi? Ben oui. C'est la deuxième fois en une semaine qu'un compte YouTube important se fait pirater. Plusieurs jours auparavant, c'était Sesame Street dont on avait parlé, qui avait affiché de la porno pendant quelques petites minutes. Microsoft a réagi un peu avant dimanche midi pour signaler être au courant de l'intrusion et qu'un travail avec YouTube avait été en cours pour remédier à la situation. Un peu après 14 heures, un deuxième message indiquait que le contrôle du canal avait été récupéré et qu'une restauration était en cours. Lundi matin, toutes les vidéos avaient été remises à leur place et toute trace de l'attaque avait disparu. Une dernière nouvelle, peut-être que vous connaissez le réseau de Huffington Post, qui est comme un genre de ultra-méga-gros site là, que tout le monde aux États-Unis en dirait lit parce qu'ils ont des centaines de millions de visites par mois. Mais le site d'information en ligne Huffington Post Québec va être lancé sur le web en janvier. C'est ce qu'a annoncé AOL Canada. Dans le fond, AOL et Huffington Post, même combat là. Et là, Huffington Post Media Group, 6 mois après le lancement du Huffington Post Canada. Donc après Canada, ça va être Québec. Version canadienne qui est un succès déjà. Le Huffington Post a enregistré une croissance dans les deux chiffres et il compte maintenant plus de 1,8 million de visiteurs individuels par mois. L'édition québécoise va arriver dans le paysage médiatique en janvier et sera le deuxième en langue française après Huffington Post France. Eux, Huffington Post, c'est le genre de réseau de nouvelles sur Internet qui poste absolument tout en direct. Tout. C'est comme si tu t'inscris à ça puis tu commences à aller lire ça. Là, c'est fou, tu finis plus. Tu finis plus. Tu vires complètement débile. Sérieusement. Parce qu'ils ont des sections, là, juste offpost.com, là, juste vous nommer des sections, là, ça n'a aucun sens. Tu veux aller voir des vidéos en ligne, les affaires qui pognent le buzz, c'est là-dessus, des nouvelles du monde, des affaires de chaque pays, la politique, la vie, la mode, les autos, le divertissement, la télé, les films, culture, tout. C'est fatigant. Il y a trop d'affaires. Mais bon. C'est pour ça que ça marche, hein, parce que si tu veux des nouvelles, tu vas là, puis t'as tout. Hein. Mais bon. Et voilà pour les nouvelles. On termine avec les nouveautés en magasin cette semaine. On est mardi, François. Ouais. Mardi, jour de nouveautés. Plein de bonnes petites choses, là. Commençons par les jeux multiplateformes. Battlefield 3 sur Xbox 360, PS3 et PC. Quand même. T'avais hâte à ça? Non. Non, vraiment pas. Je trippe pas sur ce jeu-là, mais je sais que c'est quand même très populaire. En fait, pour les amateurs de jeux de guerre, mais moi, je suis vraiment, excuse-moi l'expression, là, mais stické sur Call of Duty. Chacun a ses préférés. Ouais, je peux pas décrocher de ça. Et puis quand je tombe sur l'autre, parce que je l'ai essayé, il y avait aussi un démo disponible sur Internet, là, sur le Xbox. On parle de Battlefield. Ouais. Okay. Et puis, j'aime vraiment pas les contrôles. Je trouve ça. Je trouve que c'est trop rapide. Ok. Trop rapide. Ouais, mais tu sais, c'est trop rapide. Ça a l'air bizarre comme ça, mais tu sais, à la guerre, des fois... Tu veux prendre ton temps. Ouais, il y a trop d'affaires en même temps. OK, Avalanche, un peu comme... C'est comme un Huffington Post. Ouais, j'imagine. Sinon, Disney Universe sur Xbox 360 et PS4, c'est comme un contrat total par Disney Interactive. Dragon Ball Z, Ultimate Tenkaichi sur Xbox 360 et PS3 de Namco Bandai. Monster High Gold Spirits sur Nintendo DS et Nintendo Wii. Et Just Dance Kids. Just Dance, mais pour les Kids. Enfants. Deux. Sur Xbox PS3 et Wii. Je savais même pas qu'il y avait... Un Kids, tout court. Ouais. Sur Xbox 360, Dance Central 2. Un jeu de danse, là, c'est ridicule. De Microsoft. Et Kinect Sports Season 2 de Microsoft aussi. Sur PlayStation 3, The House of the Dead Overkill Extended Cut de Sega. Sur Wii, le retour de Kirby dans Kirby's Return to Dreamland. Oh, ça date, vraiment bien. Oui, Kirby, en effet. Kirby, il est rose. C'est ça, la petite bulle rose. Il y avait eu un autre jeu, Kirby's Epic Yarn, qui avait comme très, très dévié de la formule de Kirby. Tu ne pouvais plus prendre les pouvoirs des bébites, parce que c'est ça le but de Kirby. C'est OK, non, je sais pas. Avaler les pouvoirs. Ça revient dans Kirby's Return to Dreamland, donc j'ai hâte d'essayer ça. C'est un jeu de premier, comment qu'on appelle, le premier parti, genre de Nintendo en tant que tel. C'est pas un sous-contractant. Sur Nintendo 3DS, Pokémon Rumble Blast de Nintendo et finalement sur PSP, un nouveau Invisimals Shadow Zone par Sony Computer Entertainment of America. Voilà pour les nouveautés en magasin cette semaine. On termine la chronique comme toujours avec du chiptune. Et là, c'est une histoire spéciale quand même. C'est le gars, il s'appelle Tony Thai. Thai? Ouais, T-H-I-Y. T-H-I. Son frère, à lui, a inventé une petite mélodie pendant qu'il utilisait l'ordinateur du frère là, Tony. Chose. Donc, il a fait une petite mélodie. C'était quand même assez catchy. Et là, le gars, la mélodie, dans le fond, le frère, l'original, Tony, a dit « Hey, ça me fait penser à Mario Kart. » Okay. Alors que son petit frère, qui avait composé la mélodie, disait que ça ressemblait un petit peu plus à une musique de jeu de golf rétro. Donc, ils ont combiné les deux et ça donne « Golf Kart Super Mario Kart Style ». Puis moi, je trouve que ça sonne très bien. Tu trouves pas? Mario Kart, non? Ouais, ça sonne Mario Kart. Ouais. Je m'ennuie de jouer à ça. C'est le fun, hein? C'est le fun. Mario Kart 7 sur la 3DS qui s'en vient, il va falloir t'essayer ça. 3DS? Ouais. On enlèvera le 3D. Hein? On enlèvera le 3D. Non, mais les consoles portables, j'ai de la misère. Pour vrai? Ouais. Ah ouais? Je sais pas pourquoi. C'est bon. Je me rappelais pas que c'était quoi de même, sinon je serais allé directement en pub après. Bon. Fait que, est-ce qu'on prend une pause? Ben, c'est... on n'a pas échoué. Ou on continue, on parle du fait que t'as de la misère à jouer aux consoles portables? Non. C'est difficile de focusser, hein? Ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi, je sais pas aussi. Puis, vois-tu, quand j'étais jeune, j'ai quand même eu un Game Boy, le premier. Là. Ouais. Mais, puis j'avais, ça c'était hot, par exemple, j'avais le jeu, la cassette des 50 jeux. Ah oui, ben oui, et dans le temps qu'il y avait des affaires super illégales puis que ça se vendait quand même dans les boutiques, je sais pas trop comment, ouais. Comment ils faisaient. Je sais pas si c'était ça. Ouais, ils pognaient ça au Japon ou je sais pas trop. Ouais, c'est ça, parce qu'il me semble que Nintendo, il laisserait jamais sortir autant de jeux pour un aussi bas prix. Ouais, ah non, c'était cool ça. Ouais, c'était vraiment très fun. Cool. Mais tu sais, il y avait des jeux qui se ressemblaient. Ouais, il y avait des pas bons aussi. Ouais, ben oui. C'est comme tu comprenais rien parce qu'il y avait pas d'instruction. Bref, on prend une pause, on revient avec quoi d'autre? Stéphanie Gagné plus tard. Stéphanie Gagné. Ben oui, ben oui. Rassemble un Ruki pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89-1. L'émission construite à partir de matériaux de qualité, Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. I don't recognize myself. might say haunt this house, like a memory haunts me now, as if it were a dream, as if it were a dream. It's such a shame. Behold the Hurricane de Horrible Crows. Ok, j'aime ça, cette chanson-là. C'est qui dans ça? Horrible Crows. C'est quoi déjà la pièce? Behold the Hurricane. C'est quoi déjà l'album? Elsie. Oui, hey, ah, bravo! Elsie, hey, ouais, ça, je me rappelais avec mais je sais hein? T'es fort, j'étais pas sûr si tu l'arrêtes. Ouais, non, ouais. Non. Ouais. Non, j'aime beaucoup ça. En fait, ça ressemble beaucoup à Gaslight Anthem, mais ça se comprend. C'est le même gars. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, ça me rappelle la règle des six éclairés. C'est la règle des six éclairés. Si les si vont pas guérir. Mais tu sais, si je te dis, j'étais pas sûr si tu l'aurais, tu sais, tu peux pas dire, j'étais pas sûr. Si tu l'avais, ça marche pas. T'as pas le choix de dire aurais. Mais la règle, c'est comme un genre oh, de. Oh, oh, attends un peu. Hein? Je hein? Hein? J'étais pas sûr si tu l'aurais. Ouais, c'est questionnable. Hein? Ouais. Parce que tu peux pas dire, je suis pas sûr si tu l'avais parce que ce serait au passé. Mm-hmm. Mm-hmm. Je sais pas, sérieux. Je remets ma vie en question, finalement. Est-ce qu'on écoute la capsule numéro 4 du Diable dans tous ses états avec les chelleries? Non, ben, pas tout de suite. OK. Qu'est-ce qu'on fait de bord? Ben non, on peut aller l'écouter tout de suite. Après ça, il va y avoir Stéphanie Gagné. Oui. Donc, on va parler de l'autre gala de la disque qui avait lieu hier en diffusion sur Musique Plus. L'as-tu écouté? Non, j'ai pas écouté ça. Désolé. Pas grave. Mais je promets d'écouter Le Diable dans tous ses états au complet. OK. Et voici maintenant la série Le Diable dans tous ses états, présentée par M. Régis Ollery. Le rituel romain face à la possession diabolique. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Le cartésianisme et le siècle des Lumières ont jeté sur l'humanité leur souffle de philosophie et de science, ébranlant du même coup plusieurs siècles d'obscurantisme et de superstition. De simples élucubrations de nature hystérique ne sont dorénavant plus attribuées à l'emprise du démon, car les avancées de la neuropsychiatrie des 19e et 20e siècles sont parvenues, au moins en partie, à démêler le vrai du faux. Consciente de cette réalité, l'Église ne se précipite plus pour asperger d'eau bénite le premier convulsionnaire venu et fait montre de prudence avant d'évoquer l'authenticité d'une possession diabolique. Le rituel romain, livre de chevet des exorcistes, indique donc, de manière quasi scientifique, la conduite à tenir face à ce genre de phénomène. Premier signe. In primis ne facile credat aliquem a demonis obsessum esse. Autrement dit, il convient d'emblée de faire preuve de scepticisme face aux manifestations prétendues diaboliques. L'analyse du cas doit être rigoureuse et documentée afin d'éviter deux travers. D'une part, celui de nuire à un individu en faisant intervenir la foi là où elle ne serait probablement d'aucun secours. D'autre part, celui de ridiculiser l'Église en la réentraînant inconsidérément dans ses erreurs du passé. Deuxième consigne. Nota habeat et a signa quibus obesus dignoscitur ab iis qui vel atrabile vel morbo aliquo laborant. L'exorciste doit donc savoir distinguer quel signe distingue le possédé des sujets que travaille la mélancolie ou quelque autre maladie. Par cette simple remarque, l'Église, il faut certes l'en féliciter, mais avait-elle réellement le choix, reconnaît la préséance de la psychiatrie dans ce domaine. Les recherches des docteurs Freud, Lhermitte, Charcot, Babinski, Macario, Richer, Vinchon et autres ont heureusement supplanté celles des démonologues Bodin, Vir, Sprenger et Institoris. La nécessité d'en référer au médecin avant de prendre toute décision avait déjà été explicitement mentionnée dans les actes du Synode national de Reims en 1583, mais l'époque ne se prêtait guère à ce genre de remise en question, et la recommandation n'avait été que peu suivie. Troisième consigne, signa autem obsidentis daemonis sunt, ignota linea loqui puribus, verbis vel loquentem intelligere, distentia et occulta pate facere, vires supra aetatis seu conditionis naturam ostendere. Ce sont les trois signes requis par l'exorciste pour pouvoir authentifier la présence du démon. Usage ou intelligence d'une langue inconnue, connaissance de faits distants ou cachés, manifestation de forces physiques dépassant l'âge ou la condition du sujet. L'exorciste du XXIe siècle n'est plus un démonomane autorisé à voir l'effet du démon dans le moindre éternuement suspect. Il doit maintenant se conformer à des règles strictes, condition sine qua non à la légitimité de son intervention auprès de personnes qui, bien que cela ne prouve en rien l'existence du diable, semblent bel et bien possédées par lui. Venez d'entendre une capsule de la série « Le diable dans tous ses états » présentée par M. Régis Ollery. On aura une autre capsule tantôt, la numéro 5, analyse des trois signes de possession diabolique. Oh, oh, oh. Ça va être bon la prochaine. L'analyse des signes de la possession diabolique. Formidable. Très intéressant. Il nous reste un paquet de bonnes parties. Donc, si vous aimez cette série-là, là, vous en avez pour votre argent. Oui, c'est le fun juste de se mettre dans l'ambiance de l'Halloween. Oui, parce qu'on ne l'est pas sinon du tout. Ben, ça vient plus, ouais. Ça vient plus dur. Là. On dirait qu'on s'en rend pas compte. Non. Mais là, en tout cas, je sais pas pour toi, mais cette année, c'est vraiment pas décoré. Non, c'est vrai, il y a rien. On voit rien. Pas de citrouille, il y a rien. Je sais pas si c'est moi, là, ou. Ben, c'est sûr que c'est toi parce que t'es le boss de la place, tu pourrais en mettre, là. Non, mais pas ici, non. Je parle pas ici, je parle à Trois-Rivières. Le bol de bonbons, il est où, François? Hey, wow, relax. On a pas de budget. Je vais t'en amener lundi. Merci. Si tu te déguises. Oh, attends un peu, là. Si tu te déguises. Comment je pourrais me déguiser en François-Olivier, toi, qui si veux te déguiser en moi? Si, et seulement si. Ouais, mais là, c'est sûr qu'écoute, à première vue, comme ça te coûterait cher. Dans le sens, là... Le chirurgie plastique pourrait être aussi beau que toi, ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis peut-être... Ah, je le dirai pas. Non, ça va. Non. Hey, wow. Il regarde mon champignon. Non, c'est pas ton champignon sur le chandail. Ah, c'est ça, parce que moi, j'appelle mon champignon. Hein? Ton champignon. C'est un peu la même blague qu'avec Mario. Ouais, est-ce que tu... OK, on va démystifier la situation. Ouais, ouais, j'ai plein de courriels, en fait. Là, des, oui, ça, des les lignes ne dérougissent plus. Puis, est-ce que tu l'appelles ton champignon parce qu'il pue? C'est la question qui revient le plus souvent. Non, c'est parce que, en tout cas... Non, pas de détails. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on disait? Hein? Champignon qui pue. On va... Ok, on va l'entendre Victory Dance de My Morning Jacket. Toi, c'est comment tu l'appelles, toi? Ton Goomba? Ta carapace. Ta carapace, parce que c'est tout à rentrer par en dedans, hein? Non. Quoi? Hein? C'est pour bonne question, écoute, je pense à ça. Ok. Someday come. Should I whip the ground with my old tears, crying over what's been done? Should I lift the dirt and plant the seed, even though I never grown? Should I whip the ground with the sweat from my brow and believe in my good work, my good work? Good work. My good work. but I can see. I can see potential speaking through. Settings. Marc Derry et Welcome. Bienvenue, man. Darien, thank you very much. Thank you very much, oh, Mr. Bateau. Mr. Roboto. Thank you very much. Oh, non? Ouais, c'est vrai. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On se retrouve tantôt pour une deuxième heure. On a Stéphanie Gagné qui s'en vient, c'est vrai, dans quelques minutes à peine. C'est vrai, bougez pas, elle va être là. Don't move, faites comme le robot qui est capable d'arrêter sur... Danser le robot, c'est très cool. Ah oui? Ouais. Encore aujourd'hui, hein, ça revient à mode. Hein? Ouais, ben je pense que oui. Est-ce que c'est jamais? Est-ce que c'est vraiment parti? Ça a quitté la mode? Ah là, je sais pas par exemple. Pas. Donc on a ça et la chronique c'est un fait. Alors reste avec nous pour l'instant, c'est l'Info Campus. C'est assez fou pour l'écouter. 81. Oh. C'est la deuxième heure d'Assemblage Requis en ce mardi 25 octobre 2011. Il est 8h03. Ah, wow! Wow! Et à lui, c'est François Louis Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui, vous êtes les requins. Vous êtes des requins, donc déguisez-vous en requin. Hein? Ah, bonne idée! Oui, tous les idée. Auditeurs devraient se déguiser en requin. Ouais. Ouais. J'aime ça. C'est une bonne idée. Ouais. Ouais. Donc, toi aussi, Mathieu, tu peux te déguiser en requin si des fois t'as pas d'idée. Mais tu pensais-tu sincèrement te déguiser? Non, en fait, du tout. Non, pas vrai. Ah, est-ce que non? Je me suis jamais vraiment déguisé depuis que je travaille ici, en fait. Je me rappelle pas d'avoir porté un costume. Non? Non. Ah, t'es poche? Poche un peu, hein? Ouais. En déguisant en champignon? Oui, c'est vrai. C'est ou vrai, c'est en vrai. Mario? Tu te laisses pousser un peu la moustache? Uh-huh. Mm-hmm. OK, ouais. On sait que le mois de novembre aussi approche à grands pas. Mm-hmm, mm-hmm. Oh, mon téléphone. Ton téléphone? Qu'est-ce que ça dit, ça? C'est quoi? C'est pas, faudrait que je réponde. Ah, ça sonne. Réponds. Vas-y, réponds. Okay. Allô? Allô? OK. Non? Oh! On dit « Je n'étais pas certain que tu l'aurais ». Ah! Est-ce que ce serait Stéphanie Gagné? Non. Non? Ah. Non, c'est ma copine. Non, mais c'est plate d'abord. Bon. Voici Galaxy et Shanghai. 89 FM. Restez là. Ah, dis quelque chose de drôle, je pense. Ouais. Comment? Elle dit que moi, mon Rikiki, on l'appelle pas, il vient. C'est le début de qui? On a faim de quoi? J'aime bien mourir un peu à tous les jours. J'aime bien mourir un peu quand je suis avec toi. Le temps est plus court que le dernier verre qu'on a bu. Le temps est plus court que le dernier verre qu'on a bu. Thank you. Galaxy et Shanghai sur C'est fou. C'est juste ça. C'est bon, hein? Sur l'album Tigre et Diesel. T'aimes ça? Bon. Hein? Si. T'aimes ça? Oui, je suis en train de le marquer. Ouais. C'est pas aussi bon qu'un Rikiki qui vient. Qui vient. Parce qu'on... Ouais. On reçoit Stéphanie Gagné. Voici ton plat favori. Bon matin, Stéphanie. Bon matin, les garçons. Bon matin, madame. Ça va bien, madame? Ah oui, vous autres? On est si contents de te parler. Oh, ça paraît tellement dans ta voix. De mon côté, c'est vrai, Stéphanie. Oh, Mathieu Plante. Toi aussi, hein? Ça paraît dans ta voix que t'es content pour vrai. Ben, c'est vrai. Bon. Donc, Stéphanie qui est en direct de Gatineau, comme toujours. Yes. Est-ce que tu es à l'école ou tu t'en vas à l'école aujourd'hui? Non, je m'en vais à l'école. Je suis toute prête, là, presque mon manteau sur le dos. Puis c'est ça, je suis prête à m'en aller bientôt. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses ta chronique vite, c'est ça? Non, c'est juste que après la chronique, j'ai pas le temps de faire mes trucs. C'est tout, je m'en vais. Caroline, j'espère que tu les as toutes faites. Donc, ouais. Allons-y, commençons. Quels sont tes coups de cœur, Stéphanie, cette semaine? Cette semaine, j'ai découvert une pièce du groupe Sunrocks que je connaissais pas du tout. Le groupe ou la pièce que tu connaissais pas? Les deux. Okay. L'un et l'autre. Je connaissais pas du tout le groupe. J'avais entendu parler, jamais vu, jamais lu d'article, absolument rien. Mm-hmm. C'est un groupe électro, mais celui qui est dans le groupe, Ryan Roth, il y a une formation classique. Fait qu'on entend souvent des sons... symphonique, du violon, de la trompette, tout plein d'instruments qu'on n'est pas nécessairement habitué d'entendre dans de la musique électro, mais c'est pas très très habituel comme électronique. Ça peut ressembler un peu à Sufjan Stevens, qu'on a quand même entendu pas mal, assez fou. Mm-hmm. Il fait aussi pas mal de remix, il en a fait de Radiohead et de Beirut, entre autres. Et aussi, ce qui est très étonnant que j'ai lu sur lui, c'est qu'il a fait la musique pour un ballet, pour le ballet Tragic Love, en 2009. C'est assez étrange, ça revisitait Roméo et Juliette. Et voilà, c'est assez spécial quand j'ai lu ça. Mais c'est vraiment très, très bon comme musique. Par contre, c'est un peu comme quand je vous ai fait écouter James Blake. C'est pas de la musique que t'écoutes avec tes petits écouteurs de iPod ou les haut-parleurs intégrés de ton iPhone. Non. Faut que t'écoutes ça avec des vrais écouteurs, des bons écouteurs qui vont le faire, qui sont de qualité. C'est de la musique de riche, finalement, ça que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Sur sa chaîne Hi-Fi, il écoutait sur sa chaîne Hi-Fi. Mais tu sais, faut avoir des bons écouteurs parce que des fois, là, il y a de la musique que tu peux... Même, tu peux passer à travers, là, puis tu te rends même pas compte de ce que tu manques. Comme James Blake, tu l'écoutes sur un portable, puis t'entends la chanson, ben normal, mais il y a des sons que t'entends même pas, ça, que t'entends quand t'as des bons écouteurs. Ça, tu nous en avais fait écouter? Ouais, James Blake, Oui, c'est la chanson que je vous avais fait écouter, Limit Your Love, avec les silences étranges et malaisants. C'était l'affaire inconfortable, là. On était comme pas sûr à la fin. Là. Mais c'était pas si pire. Il y avait beaucoup de bass. Oui, c'est ça, beaucoup de bass. Ça, je me rappelle. Je me rappelle, écoute, c'était une des premières fois où ta chronique était popée. Il était merci. C'est pas vrai. Tu le sais, en plus, tu me connais, là. Ouais. Tu sais que je suis quelqu'un de formidable. Épouvantable. Alors, c'est ça. Et Sunrox, il aimait pas beaucoup sa voix. Donc, souvent, dans les chansons, on entend des voix là, d'autres personnes, des samples, etc. Puis, il fait surtout des arrangements avec les voix. Alors, c'est ça. On va entendre tout à l'heure la pièce, laquelle que je vous ai envoyée, parce qu'il y en a tellement qui sont bonnes sur cet album-là. All the Right Things. Oui. All the Right Things. Non, c'est pas celle-là. All the Right Things. Très, très bonne chanson. Et... pour finir, je voulais aussi parler un peu de l'autre gala de la disque, je pouvais pas passer à côté. Ben oui. Hier, c'était l'autre gala de la disque animé par mon idole, Catherine Pogonan, que j'aime beaucoup, pour la deuxième année de suite. C'est ça, pas très, très étonnant pour les gagnants. Album de l'année alternatif, Malajube avec La Caverne. Oui. Album de l'année anglophone, c'est aussi vraiment pas étonnant, Arcade Fire, The Suburbs. Je pense que s'il avait fait gagner n'importe qui d'autre, ça aurait été bizarre un peu. Oui, c'est ça, c'est sûr. Là, ils ont tous gagné cette année des prix beaucoup plus gros que la 10. Alors, si la 10 là, les aurait pas fait gagner, ça aurait comme été comme nous, on est meilleurs, on choisit autre chose. Ça aurait été un peu étrange. Ouais. Moi, il y a peut-être une catégorie, en fait, que je suis un peu surpris et peut-être déçu. Laquelle? Album de l'année, Country. Country. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est bizarre, en fait, parce qu'il y avait quand même, dans les finalistes, il y avait Chantal Archambault. Il y avait aussi les frères Goyette. Oui. Et puis, je sais pas, j'aurais été commentaire, ça aurait été un des deux. Mais non, là, c'est... Et là, c'est Laurent Célie qui a gagné. Exactement. Qui donc? Laurent Célie. D'accord. Donc, j'étais un peu... On en a jamais entendu parler, hein? Non, c'est un peu ça. Mais j'étais un peu déçu à ce niveau-là. Tu sais, j'aurais aimé ça, Frère Goyette. Bon, c'est sûr, ça vient du coin. Les gars sont bons. On sait, on en fait jouer. Et Chantal Archambault aussi. Que... Tellement sympathique. Ouais, j'ai trouvé très bon. Oui. Voilà. Bon. C'est vrai. À part de ça, dans album ou DVD de l'année, c'est Louis-José Hood avec Suivre la parade. Louis-José Hood, ça... c'est celui qui anime le gars de la disque en tant que tel. Ouais. Oui, ouais. De temps en temps. Ouais. Pas mal à toutes les années. Ensuite de ça, album de l'année, musique électronique, pas étonnant. Et je pense que je serais partie dans les rues avec mes pancartes. C'était pas eux qui avaient gagné. Mister Valère avec Golden Bombay. Dans les finalistes, il y avait quand même Maxime Robin, Millimétrique, Akido et puis DJ Brace. Brax. Mais Mister Valère, tu sais. Ah non, c'est sûr que... Et finalement, bon, il y avait beaucoup d'autres catégories, mais je ne sais pas pour toutes les nommer. Mais pour vidéoclip de l'année, Vincent Vallière avec On va s'aimer encore. Vince Val. Vincenzo Valieres. Non, mais il est sympathique. Je l'aime beaucoup, lui. Moi, j'ai essayé de me procurer des billets pour le... Il y a deux spectacles de Vincent Vallière au mois de février à Gatineau. Ah, les deux sont déjà pleins. Ah oui, oublie ça. Non, ça fonctionne très tellement bien. À toutes les blondes de toutes les chums, là. Ça fonctionne très, très bien. Ouais. Ouais. Bref. T'es déçu de ne pas avoir des billets pour Vincent Vallière? Ben, c'est sûr, ça fait à peu près 40 fois que j'essaie d'avoir des billets pour aller le voir, puis à chaque fois, c'est plein. Ah ouais? Bon. Impossible d'aller voir un spectacle. Faut pas. Faut vraiment frustrant. Ouais. Ah, c'est pas grave, Steph. Alors, c'est ça. Donc, je vous avais dit que je vous donne un choix dans toutes les finalistes. Donc, qu'est-ce que vous voudriez entendre? Je sais pas, je sais que Ginette Renault a aussi gagné. Es-tu dans l'autre gala? Ouais, elle a gagné. Attends un peu. Ben, vois-tu, je l'ai effacé. Attends un petit peu si je peux être rapide un peu. Parce que je sais qu'on a choisi Vincent Vallière, on va le faire jouer tantôt. Meilleur vendeur. Ah, OK. Album de l'année, meilleur vendeur, Ginette Renault. Pas très, Thomas. Ginette Renault, là, à toutes les années, elle gagne un prix. Peu importe c'est quoi, là, elle en gagne un à toutes les années. Mais c'est Ginette! C'est Ginette. Voilà. Voilà. Et ça, on décidera tantôt l'autre. Hein. C'était quoi? C'était Arcade Fire, je pense. Ouais, ça se peut. On avait Vincent Vallière aussi. Ça, je l'ai dit. Vincenzo. Je l'ai dit, ouais. Mais on va commencer avec Sunlux et All the Right Things, Stéphanie. Yes. Ouais. Puis après ça, on va revenir avec nos crudités et desserts pour accompagner ton beau plat favori. Oh. Ça peut pas être pire. Ah, franchement. Ah, il est-tu déplacé, hein, le gars? Il était encore en onde, tu sais. Hein? Tant qu'on raccroche. Hey, ouais, t'avais pas fermé le micro? Ah, c'est pas vrai, Steph, tu le sais. Là. Tu le sais. Tu le sais, Steph, tu sais ça. Hein, est-ce que tu le sais? À part de ça. C'est correct. Je pense qu'elle est pressée, là, à ce moment-ci. Ouais, je pense que. Je pense qu'elle nous écoute plus. Tu sais, ouais, on t'en tient pas plus longtemps, Stéphanie. Au grand plaisir des auditeurs. Je suis pas pressée, là. Je suis pas dans le cadre de porte encore. Non? Ah non. T'as-tu ton manteau sur le dos? Non, pas encore. Regarde de quoi ton manteau? C'est un manteau noir de cuir. OK, il est vieux. Non, il n'est pas vieux. Non, j'ai acheté cette année-là. Ah, bon. Formidable. Hé, hey, en finissant, raconte-nous une petite blague. Je suis tellement nulle pour les blagues. Bon, mais laisse voir. C'est un gars qui ramasse un bar puis qui sort de l'autre. Oh, t'aurais pu aussi dire, là, c'est un gars qui rentre dans un bar, le bar se tasse, il rentre dans la police. Il rentre dans un mur. Ouais. Formidable. Bon, fait que j'avais dit que j'étais nul hein, pour les jokes. Ben, ça paraît. Hein? Oh, tu nous avais averti. C'est confirmé. On savait, puis c'est ça. On pouvait pas s'attendre à autre chose. Voilà. C'est long, hein? Désolé. La prochaine fois, je vais m'en trouver une bonne joke. Ouais? La blague de la semaine. Ben oui, c'est bon. Ça. Ouais. Tu pourrais tout le temps finir avec ça. Ça pourrait être cool. Ça ferait une bonne nouvelle chronique. Ouais. Mais là, tu vas être en retard, là. C'est pas comme si on faisait exprès. Je t'avais, là. Hein? T'étais à veille? Je t'avais, là. Ouais. Tu vas-tu en auto ou tu vas à pied? Oui, je vais en auto. Hein? Quelle sorte d'auto? Toyota Yaris, quoi d'autre? Quelle couleur? Grise. T'as-tu la misère avec le stationnement? Non, pas du tout. Bon, parle-nous de ça. C'est la criminalité dans la question. La criminalité dans le quartier qui est plus difficile, tu sais, sinon... Ah ouais, pour vrai, ça brasse dans ton coin ou... Ton auto n'a pas eu de dommages encore? Non, pas encore. Ça brasse-tu pour vrai ou... Ah oui, ça brasse pour vrai. Ah ouais, pour vrai? T'as-tu peur de ta sécurité ou... Ouais, des fois. Ouais, appelle Mathieu, il va y aller. Ouais, c'est ça. Bon, je mets mon pied à terre et je dis merci Stéphanie, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Good Sunlocks, all the right things, tout de suite. Merci. Merci. Bye. Bye bye. Tell me a tale. I can imagine, I can hold in my hand when I pray. 'Cause I don't believe you, I don't believe you, but I must. You've got all the right things to say. All the right things. It's not your fault, no, it doesn't have to be. It's not your fault, no, it doesn't have to be. No. Des plaines d'histoire. Quand on en aura moins de vin qu'on en a maintenant. Quand

The Suburbs. Et que c'est bon. Ben oui, ben oui. J'aime beaucoup ça. Pour vrai, faut pas se cacher. C'est un bon bloc parce qu'on a commencé avec Vincent Vallière. Et puis la chanson, on va s'aimer encore. Puis un nouveau vidéoclip d'ailleurs là-dessus. Ouais. C'est bien ça. Je l'ai pas écouté. Moi non plus. On dirait que les vidéoclips, moi, ça me fait pas grand-chose. Moi non plus, en effet. Non. Non, moi, c'est pas important pour moi. Non. Ben, ça, on est en radio, hein. Oh oui, puis en même temps, tu sais, quand t'écoutes une chanson, tu fais... Ton propre clip. Ouais, c'est ça, puis c'est correct comme ça, puis ouais. On dirait que des fois, ça vient de détruire, puis on... C'est bon, non, c'est... Ben d'accord, mais des fois, ça peut être bon. Ah, des fois, ça peut être très bon aussi, c'est là. Faut pas enlever rien au vidéoclip, là, mais... Ouais. Ah! Et au tout début, on avait entendu Sunlux, le choix de Stéphanie dans son plat favori. Et pour accompagner le plat favori de Stéphanie, ben on a toujours les crudités de François-Olivier. Oui, exactement. Et cette semaine, tu vas voir, Mathieu, c'est vraiment pas long. C'est juste pour t'annoncer. Merci, François. Non, c'est pas... C'était pas long. Ah, non, c'est pas terminé. Ah. C'est pas terminé. C'est juste pour t'annoncer que Rockstar, ils ont finalement annoncé officiellement le prochain Grand Theft Auto. Enfin, ça fait longtemps, là. Enfin, donc on parle de GTA V. Ouais. Donc, c'est le cinquième. Et puis, il va d'ailleurs avoir un trailer. Une bande-annonce. Une bande-annonce, merci. Un goût. Oui, exactement. Le 2 novembre prochain. OK. Oui, donc... Donc, ça va sûrement être ton replat favori, pas la semaine prochaine, mais l'autre après. Ah non, je pense pas. Non? Je pense pas. Je vais essayer de trouver d'autres choses. Bon. En même temps, c'est sûr que je vais aller voir, par exemple, Grand Theft Auto. On sait que ça a révolutionné les jeux. Ça a créé une mode que tous les jeux avaient l'air d'un Grand Theft Auto. Ouais, c'est ça, exactement. Après ça, The Sims est venu. Spider-Man. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. En fait, la différence de ces jeux-là, c'est sûr, c'est que vraiment la map est ouverte. Ouais, c'est un monde, là. C'est un monde où on peut aller partout. Et, il y a un mur à un moment donné, mais il est loin en Montadis. Hein? Ouais, il est très loin. Puis tu t'embarques dans des missions side quest là, en plus finir donc exactement et puis tu choisis tes missions, tu sais, c'est comme tu choisis où tu vas là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas linéaire maintenant. Non, t'es pas obligé de tout faire dans l'ordre et puis tu peux bref, c'est pratiquement un jeu interminable parce que tu peux faire des compétitions de taxi, de police, t'as des missions, t'as... En tout cas, bref, le plus brisage d'affaires possible. Ah, ouais, foncer dans ce monde. Ouais. Ouais. Ah, c'est l'enfer. Que tous les parents adorent. C'est un jeu pour ta mère. Ouais. Non, ça je suis pas certain. Et puis, j'ai joué une fois sur le live avec d'autres mondes. T'as-tu déjà joué? Non, j'ai Non, c'est vraiment le fun, par exemple. Tu vois les autres, en fait, dans la ville, et puis tu peux aller les tuer. Et puis, ça arrive, un moment donné, ça pète de tous les bords. Mais bon. Non, c'est loin d'être mon genre de jeu, mais ouais, non, je peux apprécier la qualité de. C'est de très ces populaire. Jeux. Ça me fait penser, c'est pas mon dessert, François, mais juste dans la même lignée que ce que tu viens de dire, la nouvelle bande-annonce pour Uncharted 3, si je me rappelle bien, c'était ce jeu-là que j'avais vu hier. Est-ce que t'as vu? OK, non, j'ai pas vu. C'est l'affaire genre je crois que c'est pour Uncharted 3, mais en tout cas, peu importe. L'idée, c'est que la publicité est basée autour du fait que ta mère aimera pas ça, justement. C'est vraiment, ça montre des extraits de jeux les plus violents possibles. C'est les moments les plus dégueulasses, de la torture possible. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des grands-mères, genre des bonnes femmes, des vieilles personnes, finalement, mais femmes, là, devant ces jeux-là. Ils ont trois écrans. Et là, ils leur montrent des extraits du jeu. Puis là, tu vois les extraits des mères qui font comme « Ah, je peux pas croire, ça va gâcher le monde. » Ou ça en va. Ouais, puis à la fin, ça dit « Votre mère aimera pas ça. » Puis mettons Uncharted 3. Mais je suis pas sûr si c'est ça. Là. C'est une bonne idée, pareil. Ouais, c'est une bonne idée. Très bien fait. Ouais. J'essaierai de trouver la bande-annonce. Je l'ai vue hier, ça doit pas être trop dur à trouver. Mais moi, mon dessert, t'avais fini, toi? C'est bon? Ouais. D'accord. Mon dessert à moi, François, c'est très, très simple. C'est juste la chanson thème de New Girl, la nouvelle émission de Zooey Deschanel qui a commencé en septembre. Là, elle est en vacances depuis quelques semaines. L'émission a tellement bien été, est tellement un succès de code d'écoute pour le réseau Fox qu'ils ont pris le pari qu'on peut enlever l'émission des ondes pendant quelques semaines pendant qu'il y a du baseball qui joue. On peut la jouer en rediffusion à des jours autres que sa case horaire, genre le mercredi ou le mardi, puis tu sais, à 9h ou 9h30, n'importe quoi, et que ça va revenir en novembre et que ça va être un aussi grand succès quand même. C'est pari qu'ils ont fait. C'est bizarre, hein? Il me semble que tu devrais prendre soin de ton émission, la diffuser tout le temps dans le même case horaire. Ça me rappelle tout le temps, à chaque année, quand il y a des premières de nouvelles émissions, ils vont tout le temps mettre l'émission après quelque chose d'autre qui pogne, tu sais, mais juste une fois. Puis là, la semaine suivante ou même le lendemain, ça va devenir... Il va y avoir sa case régulière. Ça m'énerve. Ouais, c'est bizarre. Commencer dans la bonne case horaire, il me semble. Eh oui, s'il vous plaît. Je sais pas. C'est mêlant pour rien. C'est pas à moi d'aller faire genre mes devoirs, aller visiter les sites web de chaque chaîne ou aller voir l'enquête d'horaire pour trouver l'émission. Mais toi, comment tu fonctionnes à ce niveau-là? Est-ce que t'es une personne qui s'assoit devant la télévision, il zappe et dit, mettons, bon, le lundi, ça, à cette heure-là, j'écoute ça... quand je suis devant la télévision ou sinon tu vas voir, en fait, là, c'est ça, les... Je fais un mélange de tout. Je fais un mélange de tout. Je te dirais que des fois, ça m'arrive la fin de semaine ou même des fois, certains soirs de semaine, de m'asseoir, de regarder la télé. Ouais. Puis on dirait qu'à chaque fois que j'arrive pour regarder la télé, ce qui est très rare, là, très très rare, peut-être une fois ou deux par semaine. Même aux deux semaines. En tout cas. Sinon, qu'est-ce que tu fais d'autre? Internet, niaiserie. Okay, okay. Mais en fait, je te raconte ça, c'est la première étape de mon affaire, c'est que je vais m'asseoir, zapper. Il n'y a jamais, jamais, jamais rien quand je zappe. Jamais. Il n'y a rien de bon ou sinon, j'arrive en plein milieu d'une émission. Parce que moi, ce que je déteste dans la vie, c'est être esclave de ma télé. Je déteste ça. Je lis la télé, je peux en profiter, mais je déteste être esclave et de devoir regarder à chaque semaine la même émission. Comme mettons New Girl, on a commencé, on a écouté les trois premiers le mardi à 9h sur Fox. On a écouté à chaque semaine, plus c'était comme « Ah, oh, faut se dépêcher, faut prendre notre douche bien vite, faut souper vite, faire la vaisselle, puis là t'arrives, puis... » Puis l'émission commence, tu sais. J'haïs ça, je suis pas capable. Donc, à la place, ce que je fais, c'est que j'avoue encore une fois mon illégalité en ondes, mais je télécharge des émissions. C'est tout le temps ça. Et j'aime bien aussi attendre la fin d'une saison pour pouvoir écouter toute la saison au complet. En rafale. J'aime ça. Ouais. Sinon, si l'émission, je l'aime vraiment beaucoup, comme New Girl, ça va m'arriver de la télécharger le lendemain et l'écouter plus tard, t'sais. Dans la semaine. Ça peut arriver. Mais sinon, l'autre affaire qu'on fait, nous, ma copine et moi, et je l'ai mis dans ce bain-là il y a quelques années et on n'en sortira plus jamais, c'est qu'on... je choisis parce que j'ai c'est toi le boss. C'est moi le boss, non. J'ai une force de persuasion pour les émissions de télé inégalée, je dirais. Uh-huh. Donc, choisis, j'ai une liste d'émissions dans un ordre précis, dans l'ordre dans lequel je vais les écouter. Et je force ma blonde à les écouter. Là, elle va faire « Ah, oh, j'aime pas ça, c'est pas bon. Ah, oh, pas une série qui se passe dans un fast-food. Ah oh, non, il me semble encore des enfants. » Tu sais, là, elle va chialer contre ça. Elle va dire « Ça a l'air d'être de la merde. » Là, on l'écoute. Puis là, à la fin, c'est comme « Ah, oh, je veux plus que ça finisse. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'ils ont fait d'autres affaires? » C'est quelque chose qui ressemble à ça, tu sais. C'est tout le temps ça. Ah bon. Je suis convainc. Je suis convainc parce que moi, j'ai connu ces séries-là. Ouais. Ben oui. Je suggère des séries que j'aime. Je le fais des fois dans l'émission ici. Bon. Je le suggère. Tu l'écoutes, tu capotes, tu tripes. Tu veux plus que ça finisse, c'est de même. Plus jamais. Donc, New Girl est une nouvelle série sur Fox, comme je disais, avec Zooey Deschanel, qu'on connaît pour plein de choses. Des films, entre autres, le film avec Jim Carrey. Puis d'autres affaires comme ça. C'est ça, sa nouvelle série est super bonne. Moi, je l'adore. Mardi soir à 9h. Et puis, sa chanson thème est évidemment super bonne aussi, parce que c'est Zooey qui la chante. Zooey qui est dans son propre groupe de musique She and Him, qui va d'ailleurs sortir un nouveau CD très bientôt. On va écouter cette chanson-là juste parce que ça me tente. C'est pas parce que c'est récent, c'est parce que je cherchais et puis c'est ce que j'ai pas encore fait jouer finalement dans mes coups de cœur. Donc Zooey Deschanel, 89 FM, c'est fou. La radio campus de Trois-Rivières. La pièce est Girl de Zoé Deschanel, la chanson thème de l'émission est New Girl sur Fox. Ça finit raide, hein? D'un coup sec demain. Boom! Hein? Mais j'aime ça. Ils reviennent un petit peu à la mode, on dirait, de faire des versions longues des chansons thèmes d'émissions de télé. Parce que on dirait que depuis quelques temps, sur les grands réseaux surtout, il n'y avait plus vraiment de chansons thèmes. C'était t'affiches le titre pendant deux secondes, l'émission commence, mais une pub, tu sais. Mais une pub. Moi, une chanson qui revient chaque semaine, c'est il me faut ça, absolument. Ouais. Il me faut ça. Pas le choix. Un petit jingle. Et j'aime bien les séries qui finissent par changer de jingle à un moment donné. Puis là, ça fait comme t'as deux jingles pour une seule émission. C'est... Je suis un fan de chansons thèmes d'émissions de télé et je m'assume pleinement là-dedans. Personne va me dire le contraire. En fait, je vois pas pourquoi tu me dirais t'aimes pas ça. Ça arrive comme non, pas rapport ça. Vraiment ça. Il n'y a pas de danger. Parlant de mettre une pause, on va prendre une pause d'autres aussi. Ouais. Hein? Ouais. On remercie Stéphanie Gagné pour son plat favori. Oui. Merci beaucoup, Steph. Merci à toi, François-Olivier, pour tes crédités. Merci, François-Olivier. Merci. Et moi-même, Mathieu Plante. Bois correct. C'est ça. Fait que, pas de chanson thème, juste un. Comment t'as dit, là? Bois correct. Toi, là. Un jour, toi, ouais. là. Un jour. Un matin, ouais. Je t'armais. Non, pas vrai. C'est une joke. Non. S'il vous plaît. Je l'ai pas aimé, c'est correct. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. François Olivier, Mathieu Plante, pièce détachée, assemblage requis. Ben oui, c'est tout à fait vrai. C'est toujours cette émission-là qu'on appelle assemblage requis. Et il nous reste 15 minutes ensemble. Oui. Oui. Et ça passe vite, hein? Ça passe tout le temps vite, hein? Ben oui. On a déjà la moitié de la semaine d'émission de fête, là. Oui. Voyons, ça n'a pas de sens, ça. Il faudra commencer à nuit le vendredi, hein? Hein? Non. On regardera ça. C'est ça, on va en parler. Voici, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véritables, vérifiables et véridiques. Là. Mais d'habitude, c'est dans un autre ordre, mais ça veut dire à peu près la même affaire. Les 3 V, François. VVV. Monte tes 4 de tes doigts dans les airs. Ça fait 3 V. 3 V. Parce que, tu sais, tout le monde fait des signes de peace, des signes de douchebag. C'est fou, hein, les photos là, avec les signes de peace. Sérieux. Surtout sur le côté, là, comme ça. Là, ouais. C'est hallucinant. Arrêtez, s'il vous plaît. Ouais. Vous avez de l'air complètement stupide. Mais ils s'assument tellement là-dedans, fait qu'en même temps, on peut rien dire contre. Là, mais les douchebags et les douchebaguettes. Non, mais c'est atroce. Là, c'est pas original. Pourquoi tu fais ça? Tu sais même pas ce que ça veut dire. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, sincèrement, je sais pas. C'est mais pas victoire, quelque chose? Ah, je sais pas. Mais sous-côté comme ça, ça veut dire... C'est inférieur à, parce que les gens qui font ça sont inférieurs. Ou, non, plus grand que... Plus grand que... Je suis plus grand que... Ah, OK, peut-être. Ah, parce qu'ils font tout le temps ça à côté d'une fille. Ouais. Ben, ouais. Ah... Donc, c'est un fait. Hein? Commençons par le logo d'HMV. Je suis sûr que toi, si tu vas chez HMV, des fois, le magasin de musique ainsi que d'autres choses, ou on fait plus d'autres choses ainsi que des fois, accessoirement de la musique, ils ont un logo et nous, on voit au Canada et au Québec seulement... Le petit les... chien. Ben, c'est ça. On voit pas le petit chien, nous autres. Moi, j'ai pas vu de petit chien chez HMV. As-tu vu le petit chien? Non. Pas vu ça. On voit seulement les lettres HMV d'habitude. Mais... C'est une marque britannique, ça, HMV. Et eux, dans leur logo, même le petit icône qui apparaît à côté de l'adresse, il y a le petit chien avec un genre de gramophone. Moi, j'avais jamais vu ça. Et ce chien-là s'appelle Nipper, apparemment. Nipper. Oh. N-I-P-P-E-R. Pas Nipple. pas Nipple. Nipper. Donc, HMV, une chaîne... Hein? Ça aurait l'air bizarre. Un petit peu. Une chaîne britannique de divertissement qui est la plus grande au Royaume-Uni et en Irlande. Compagnie qui opère aussi à Hong Kong, Singapour et ailleurs. HMV, les lettres, savais-tu que ça voulait dire quelque chose? Ben, j'imagine. En fait, music and video. Non, ça aurait été pas pire. Le H aurait voulu dire quoi? Je sais pas. Holmes. Non, ça veut dire His Master's Voice. Ah. La voix de son maître. C'est une peinture créée en 1899 par Francis Barrow. Et le chien Nipper, dans le fond, est sur cette peinture-là en train d'écouter le phonographe cylindrique. Et pour la publicité, ça a été changé en gramophone. Ah, c'est pour ça que j'avais dit gramophone tantôt. Pour la publicité, ils ont remplacé le phonographe par un gramophone. Et éventuellement, c'était utilisé seulement comme silhouette. Si vous allez voir sur Wikipédia, dans la page anglophone de HMV, vous allez voir que même le logo rose qu'on connaît ici, HMV, tout courbé, hein, ouais, ont le petit chien dans le logo. Mais c'est le Royaume-Uni. Moi, ça m'impressionne, j'aime ça. Savais-tu que les îles Caïmans... Bon, les îles Caïmans, c'était toujours dit. Qu'est-ce que ça veut dire, Caïmans? Je me suis pas toujours dit ça. Une sorte de d'alligator, non? Tu savais pas ça? Mais bref, les îles Caïmans, c'est pris à partir du nom de ce genre, de cette espèce d'alligator marine, le caïman. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il n'y a plus de caïmans sur les îles Caïmans. Ah non, c'est fini. Il n'y en a plus. Il y en reste juste dans le groupe Caïman Fou. Ils jouent les bongos, je pense. Ouais. Parlons d'animaux encore. J'avais un autre fait. Cette blague-là vient exactement d'un autre fait que j'avais. Attention. Tiens, celui-là, dans le dessin animé Scooby-Doo. Where are you, là? Scooby-Doo. C'est quoi en français, ça? Juste Scooby-Doo? Scooby-Doo. Donc, à l'origine, on les appelait les Mysteries Five. Et plus tard, ça devait s'appeler Scared, avec des W et des S doublés, comme si c'était quelqu'un qui avait peur. Scared. Ça s'appelait comme ça. Oh. C'était pendant le développement de l'émission où les personnages avaient tous des noms différents. Donc, Freddy s'appelait Jeff, Daphne s'appelait Kelly, Velma s'appelait Linda et Shaggy s'appelait WW. Linda. Linda, fait qu'on va l'appeler Linda. Bon. Donc, Scooby-Doo s'appelait Too Much. Scooby-Doo, son nom, c'était Too Much. Il était Too Much. Too Much. Ils étaient aussi dans un groupe de musique qu'on appelait les Mysteries Five et ils solutionnaient des mystères entre deux spectacles de musique. Et d'ailleurs, le chien était dans le groupe et il jouait les bongos. D'où la blague sur l'alligator, le caïman. Oh. Ouais. C'est intéressant quand même. C'est de bonnes blagues, ça. Ben, c'est pas des blagues, c'est une remarque. C'est un fait. Bon. Ouais, non, c'est bon. La police aux Émirats Arabes Unis. Tu sais, les Émirats Arabes Unis. Hein? Mm-hmm. Bon, donc, ils ont dit que pendant la récente panne de BlackBerry, tu sais, on parlait de la panne de BlackBerry, de partout dans le monde, on pouvait plus envoyer de messages ou en recevoir. Là. Donc, on dit aux Émirats Arabes Unis qu'il y a eu 40% moins d'accidents de la route à Abu Dhabi pendant la panne. C'est quand même logique, là. Parce que, je veux dire, les gens arrêtaient d'écrire et de... Ah non, c'est sûr. Ce qui cause des accidents. Faut pas se le cacher. À un moment donné, on a beau empêcher les gens de parler au téléphone, mais écrire des messages textes puis manger un cheeseburger dans l'autre main pendant que tu conduis avec tes genoux. Tu sais? À un moment donné, ils vont interdire tout. T'auras pas le droit d'avoir tes mains ailleurs qu'à 10h et à 14h. Ouais. Ça va être dommage. Ben, c'est sûr, quand tu vas passer ton permis, essaye pas de mettre tes mains un peu partout. Là. Ben non. C'est ça. Parce qu'ils pourraient chialer contre toi. Ils pourraient dire, hey, lâche-moi. Ah, ils chialeront pas, ils vont rien dire, mais tu passeras pas. Ah, ouais. Encore. Ça fait 10 ans en date du 23 octobre. 23 octobre, c'était dimanche. Ça fait 10 ans exactement que Apple a présenté ou a introduit sur le marché le iPod. Oh, 10 l'iPod. Ans? Oui, 10 oh, ans. Man. L'iPod classique, le premier, là, celui qui avait une roulette là, qu'on pouvait vraiment tourner. Là, c'était une roulette qui bougeait. C'était super le fun, ça. Ensuite, deuxième modèle, ils ont remplacé ça par du tactile, puis les petits boutons, puis les interfaces. Ça, c'était cool. Vraiment cool. L'iPod classique, j'en ai parlé récemment à l'émission, je l'adore. Sinon, Toblerone. Tu connais les barres de chocolat Toblerone? Oui. C'est un porte-manteau qu'on appelle porte-manteau. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ben, une patate, non? Non, ça pourrait vouloir dire ça. Mais non, un porte-manteau, c'est deux mots mélangés ensemble, dans le fond. Tu comprends? Donc, Toblerone, c'est deux mots. C'est le premier, c'est Theodore Tobler. Tobler. Et Torone, qui est un mot italien qui veut dire un type de nougat. Toblerone. Tu vois ça? On a mélangé deux mots ensemble, ça fait un porte-manteau. Super, hein? Ça va pas changer la prochaine fois que tu vas manger de la Toblerone. Est-ce que tu manges de la Toblerone? C'est rare. C'est vraiment bon. Oh oui, non, c'est bon. Ouais, non, c'est bon, mais tu sais, je sais pas, on dirait que... Il y en a des petites. Ouais, non, je sais, mais sont pas vraiment disponibles. Tu sais, mettons, quand tu vas au dépanneur... Hein? Non, ben c'est vrai. Mais dans les grandes surfaces, il y en a. Il y a même des petits, des mini, tout petits, là, juste avec 3-4 petites pyramides. En tout cas, moi, j'aime bien ça. Parlons de Google, qui a essayé de se vendre en 1999 pour $1 million. Je l'aurais-tu acheté, tu penses? C'est sûr. Est-ce que tu te rappelles Xcite.com? Xcite.com? Non. Ben, la plupart des gens s'en souviennent pas non plus. Xcite. C'était un engin de recherche assez populaire juste avant l'année 2000. Donc, 99, un petit peu avant ça, c'était très populaire, Xcite.com, surtout aux États-Unis. Dans ce temps-là, Google n'était pas le monstre qu'il est rendu aujourd'hui. En fait, c'était encore un projet d'étudiants de l'Université de Stanford qui pensaient que ça prenait trop de temps et qui devraient plutôt passer leur temps à étudier. Tu sais? Il y en a de même qui se font dire à étudier à la place d'être, mettons, dans le GE et dans d'autres affaires. Même. Donc, Sergey Brin et Larry Page, les créateurs de Google, sont ensuite sont allés voir Xcite pour essayer de leur vendre l'engin de recherche pour $1 million. Apparemment, c'était complètement risible comme proposition pour le CEO du moment, George Bell. Il a non seulement rejeté l'offre, mais il a ensuite jeté dehors un venture capitalist, là, un gars de chez Xcite, qui lui avait dit qu'on devrait peut-être descendre le prix à $750 000. Il a sacré dehors cette personne-là qui a suggéré de descendre l'offre à 750 000. C'est pas fort, hein? Ben, on dit que c'est une des décisions les plus stupides qui a jamais été prise de l'histoire. Mais en même temps, écoute... Tu peux pas savoir, c'est sûr. Non, tu sais, quand ton chiffre d'affaires fait juste monter, là, tu penses pas qu'il peut redescendre, tu sais. Tu penses pas que l'autre... Excite était au sommet, il pouvait... T'sais, ouais, c'est ça, j'imagine qu'il avait plafonné. Ouais. Ah, c'est... Quand même, hein. Le regret, quand même. Ben. Le regret est là, sûrement. Savais-tu qu'aucun des acteurs dans The Empire Strikes Back, le Star Wars, savait que Vader, et là je vous annonce le spoiler si vous n'avez pas encore vu Star Wars changer de poste, là, ou en fait changer pas de poste, baisser le volume, puis revenez au même poste, hein. C'est plus simple. Que Vader était le père de Luke. Les acteurs ne le savaient pas. Les acteurs et la distribution et tout l'équipage, là, l'équipe technique du film, ont reçu un faux script où la célèbre réplique, ben en fait, c'est pas la réplique n'est pas exactement Luke, je suis ton père, c'est plutôt genre non, je suis ton père, quelque chose du genre dans le vrai film, en tout cas. Mettons qu'on va dire Luke, je suis ton père, était remplacé par Obi-Wan a tué ton père. Ils voulaient garder donc la relation entre Darth Vader et Luke secrète. Ils ont réussi, en fin du compte. Et même Prowse, le gars qui a lu toutes les répliques de Darth Vader pendant le film et qui a ensuite été doublé par un autre acteur. Je sais pas si j'avais déjà dit ce fait-là. La voix à l'origine dans le costume était faite par quelqu'un, l'acteur dans le costume. Et il savait pas, mais il allait être remplacé plus tard par James Earl Jones en post-production. Pour refaire la voix là, comme on la connaît maintenant. Mais bref, le gars pensait que ça allait être ses répliques dans le film, donc il les a dit comme elles étaient dans le script. Avant la première du film, seulement George Lucas, Irvin Kersher, Chose Hamill, le gars qui jouait Luke lui-même, et James Earl Jones, la voix future de Darth Vader, savaient ce qu'allait être la vraie réplique dans le film. Intéressant. Un prisonnier qui était, dans le fond, qui s'en allait vers la mort, là, tu sais comment t'appelles ça, un prisonnier... Ouais, dans le corridor de la mort. Le corridor de la mort, exactement, a choisi comme dernier repas de donner ce dernier repas-là à un homme sans-abri. Au sans-abri, dans le fond, en général. Donc, on sait tous le dernier repas, c'est dans le fond. C'est logique. C'est logique, c'est bien. C'est une tradition qui permet aux criminels qui s'en vont vers la mort, comme tu dis, dans le corridor de la mort, de choisir leur dernier repas. Certains des plus populaires sont le poulet. Là, ça dit chicken fried steak. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si ça veut dire fried chicken ainsi que du poulet, que du steak. Du steak, ouais. En tout cas, les cheeseburgers et de la nourriture mexicaine. Ce sont les plats les plus populaires. Ouais. Mexicain, c'est bizarre. Tant qu'à, tu veux dire. J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de Mexicains. Ouais, peut-être. Ou encore, tu sais que tu vas avoir des gaz, mais tu vas mourir pareil. C'est pas grave. C'est le temps d'en profiter. C'est ça. Moi, ça m'a marqué. Écoute, je me rappelle plus du nom, mais il y avait un prisonnier qui était dans le corridor de la mort qui avait demandé d'avoir simplement une banane. Juste une banane? Ouais, sérieux. Pourquoi pas, tu sais? Ouais. Mais j'étais quand même jeune et c'est pour ça que je pense que ça m'a marqué. J'étais une banane. Depuis ce temps-là, tu manges des bananes fréquemment. Ben, j'essaye. C'est vrai. C'est bon pour la santé. D'autres repas originaux. Un sac de Jolly Ranchers assorti. C'est des bonbons, hein? Ouais. Jolly Ranchers. Un pot de dill pickle, des cornichons à la nette. Ouais. Pourquoi pas. Et l'autre, ouais, c'est ça, demander à ce que son dernier repas soit donné à une personne sans abri. J'avoue que, tu sais, t'en as plus besoin. Non, tu vas mourir pareil. Tu vas mourir pareil. Ok, j'en choisis un dernier, là. Voyons lequel m'intéresse le plus pour aujourd'hui. Ces deux-là, je les garde ensemble parce qu'ils vont ensemble, je les fais demain. Celui-là, ok. Certaines personnes ont peur des belles femmes. Tu sais, être intimidé par une belle fille, ça peut être commun. On est tous gênés peut-être devant une belle fille des fois. Mais des gens qui ont une peur des belles femmes, c'est une phobie qu'on appelle la caliginophobie. C'est connecté souvent à des phobies sociales, des désordres d'ordre, genre anxiété sociale, etc. La peur des belles femmes peut affecter les hommes et les femmes. Donc, il y a des femmes qui ont peur des belles femmes. T'sais. Il y a aussi une peur des hommes, en général, qui s'appelle l'androphobie. Oh. Il est bien, hein? Voilà. J'avoue que ça peut être intimidant, mais de là avoir peur... Ouais, mais c'est un désordre psychologique. Ah ouais. Tu peux pas faire autrement, tu contrôles pas ça. Je sais. Ben, c'est tout pour cet un fait, François. Merci, Mathieu. Ça me fait plaisir. D'autres faits, demain... Hey, je vais te dire un fait comme ça. OK, vas-y. Qui se déroule le samedi le 29 octobre. C'est les portes ouvertes de l'UQTR et ça commence à 11h au Centre de l'activité physique et sportive, évidemment, le CAPS, ici sur le campus. Mm-hmm. Donc, c'est le service de promotion et d'information sur les études qui organise la journée porte ouverte afin de permettre aux futurs étudiants de venir découvrir l'UQTR au menu visite des pavillons, laboratoire, résidence, l'occasion de rencontrer plusieurs responsables de programme. Donc voilà, ça se déroule le samedi le 29 octobre à 11h. Excellent. Et comme c'est un samedi, t'as dit? Ouais. Comme c'est un samedi, il n'y aura pas de problème de stationnement. Ah non, formidable. Puis en fait, ben c'est un peu le but, je pense, là, du pourquoi ça se déroule un samedi. Là. Et voilà. Parce que sinon, bonne chance. Hein? Ouais. Ah non, c'est intéressant pour les étudiants aussi. Et même les étudiants ici à l'UQTR qui désirent peut-être changer de programme, ce truc-là. Ouais. Ça peut être bon. Voilà. C'est ça. C'était les nouvelles du campus, pas mal, hein? Oui, ouais, exactement. Évidemment, bon, tu sais, on pourrait parler des différents colloques, mais tu sais, ouais. Que c'est assez pointilleux, tu sais, je trouve, ouais. L'information. Voilà, tout à fait. Merci, François. Ça fait plaisir, Mathieu Plante. C'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. Déjà. On se retrouve demain. Hey, ça se passe-tu vite, ces affaires-là? Incroyable. Qu'est-ce qu'on a à l'émission demain, François? On est mercredi. Demain, on reçoit Yann Martel qui nous parle d'aide financière. Ça, c'est à 8h30. Oui, exactement. Avant, à 8h, on a Myriam Fugère avec sa chronique aléatoire. On sait jamais de quoi elle nous parle, mais c'est quelque chose de toujours fascinant. Oui, c'est tout le temps intéressant. Ouais. Évidemment, c'est Eric, c'est un fait. Myriam est toujours bonne, pas mal meilleure que moi, je pense. Bon. T'aimerais pas ça animer avec elle? Mais c'est sûr que, écoute, ça serait plus agréable en première vue. La réponse était non, Mathieu, j'adore animer avec toi. Ah, mais c'est... Écoute, pourquoi tu m'as posé la question? Ouais, c'est ça. Ça m'apprendra. Tu savais la réponse? Restez à l'écoute pour la sécheuse à 9h, puis à 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier. En après-midi, c'est le voyage insolite et album classique. Puis à 15h, la toute nouvelle émission Drôle de Drouin, deuxième édition, avec Alex Drouin, d'où le nom. Et avec musique humoristique, que des affaires drôles. C'est vraiment très, très bon. À 16h, c'est une dose d'estrogène avec les trois filles et leur magazine culturel. Et pour terminer la soirée à 19h, c'est réanimation avec du métal et de l'horreur. Allez voir sur cif.ca pour toute la programmation et sur assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balados diffusion de toutes nos émissions. On se quitte avec Lovely Feathers et on change d'extrait. On varie un petit peu Ossified Homes sur leur album Fantasy of the Lot. Fantastique. Bonne journée, François. Merci, Mathieu. Merci à toi. C'était déplaisant, ça. Ben, je pense que... Find a prince and angle in a fortress. Find a prince and angle in a fortress. I'm in a crane and my arms are rusty, rusty.